Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'80s, le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et j'ai l'immense joie de recevoir à nouveau mon camarade TMDJC. Comment vas-tu, Seb ? Eh bah écoute, ça va super bien, merci pour l'invitation. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce que tu nous avais fait déjà l'immense joie de venir papoter de l'humour de Michel Leeb des années 80. Te sachant fan du sujet du jour, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Écoute, j'aimerais bien dire que j'ai honte, mais même pas. Ah oui, moi j'assume complètement. Et depuis que nous avons eu la chance de te recevoir, est-ce que ton actualité a évolué ? Alors, mon actualité, alors ça c'est toujours un exercice que je trouve super compliqué, le moment d'autopromo. Écoute, je continue à alimenter tmdjc.com de podcasts divers et variés, toujours plus ou moins liés au monde vidéoludique quand ça touche le jeu de combat. Pas mal autour du monde des podcasteurs avec une émission qui s'appelle Podcaster et qui ne parle que de podcasteurs. C'est Inception, là, t'es dans la matrice là. C'est exactement ça. On en a fait un il n'y a pas longtemps en live qui s'est plutôt bien passé. On est très très content du retour. Et puis depuis le mois de septembre, j'ai une petite émission qui s'appelle Rhythm Fighter qui parle de musique de jeux vidéo dans le domaine du jeu de combat. Puis sinon, je continue mes petites incarpates à gauche à droite. Je continue l'instantané avec FQPEH. Que du petit bonheur. D'accord. Donc comme pour l'humour des années 80, tu es complètement dans le sujet du jour. Exactement. Auditeurs, si vous commencez maintenant à me connaître, vous savez aisément que je suis très très excité d'enfin faire un podcast sur le plus grand héros cornu de la galaxie, j'ai nommé Goldorak ou Grintizer pour les puristes pour sa version japonaise. Alors, l'univers Goldorak étant tellement étendu, il y aura évidemment son podcast dédié. D'ailleurs, Seb, je compte sur toi pour venir nous abreuver de ta culture de l'univers de Goldorak. Mais de toute façon, vous ne m'auriez pas invité que j'aurais sonné à la porte quand même. Je pense quand même. De toute manière, même si on doit le faire que tous les deux, on le fera ce numéro parce que rien qu'à nous deux, je pense qu'on peut tenir 3 heures facile. C'est grave, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, pour en revenir au sujet, le sujet étant tellement velu que on s'est dit, ça serait dommage le jour où on fait ce podcast de faire une toute petite partie musicale, parce que à titre personnel, je trouve que la musique aussi bien française que japonaise qui accompagne ce dessin animé est excellentissime. Avec mon ami TMDJC, nous avons eu l'idée tout bêtement de se dire, si on en faisait tout simplement un cadeau bonus, voilà. Mais avant de vous annoncer le sommaire, je vous rappelle que notre ami Eric Bouvet illustre très régulièrement des jolis dessins chez nous et que vous pouvez également consulter la page Facebook de Génération 80s qui est assez fournie et qui est très sympathique. Alors, pour ce numéro musical, Seb et moi-même allons, dans une première partie, parler de la très emblématique musique originale, donc la musique japonaise qui accompagne le dessin animé tout au long de ses différentes aventures. Et dans une seconde partie, la pléthore de génériques français que nous avons connus. Yuke, yuke, yuke, furi, to tobe, tobe. Ninguém no hoshi, minna no chikyuu. Après cette écoute du générique original, qui je suis sûr vous aurez au minimum reconnu, même si vous ne l'avez jamais écouté, TMDJC, est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'historique de la licence et surtout du compositeur de cette mythique OST ? Alors, l'historique de la licence, pour faire court et ne pas trop manger sur un éventuel podcast qui irait autour de ça, en fait, Grandizer, c'est la troisième partie d'une trilogie qui tourne autour d'un personnage principal qui est Alcor, en fait, dans sa version japonaise. C'est vrai qu'au Japon, c'est une série qui a été assez mal accueillie à la base parce qu'il n'était pas logique pour les enfants japonais, en fait, de voir le personnage principal devenir le faire-valoir d'un nouveau héros. Donc, ça n'a pas été très, très bien accueilli sur place, alors que chez nous, ça a été une véritable révolution parce que Goldorak, quand il est arrivé à la maison, c'était l'arrivée de l'animation japonaise chez nous véritablement. Alors il y avait eu d'autres choses avant, mais pas comme Goldorak a été un raz-de-marée au point que tout le monde en parle. C'était juste absolument incroyable. Et moi, c'est vraiment il y a deux choses dans ma vie qui m'ont guidé sous plein d'aspects et qui m'ont fait découvrir plein de choses. Et ça a été Street Fighter et Goldorak. Et c'est mes deux mamelles personnelles. Et c'est vrai que Goldorak a alimenté beaucoup de choses dans ma vie. Et tu parlais de son compositeur, parce qu'on parlait de la composition de la musique. Et oui, ce serait pas mal qu'on s'arrête sur Shunjuke Kikuchi, en fait, qui est un compositeur qui est ultra connu au Japon, qui a fait... Alors, c'est pareil, si jamais on devait lister le nombre d'OST qu'il a composé, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les séries animées, c'est là où il a été le plus productif et c'est surtout pour ça qu'on le connaît le plus. C'est plein de choses qui sont très connues au Japon, mais qui sont arrivées très souvent chez nous, puisqu'il est à l'origine des OST de Dr. Slump, par exemple. C'est lui qui a fait la BO d'Albator pour sa deuxième saison, ce qui est arrivé chez nous sous le nom de Albator 84. Il est à l'origine... Tu reconnais un peu les sonorités à travers ses différentes musiques quand même. Enfin, il a une patte. Il a une patte, et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on reviendra pendant cette émission. Y a des moments, en fait, on peut se dire, est-ce que c'est pas déjà une musique que j'ai déjà entendue ailleurs, ou etc. Absolument, en fait, c'est-à-dire que c'est complètement interchangeable d'une série à l'autre. En fait, il a marché par vague, c'est-à-dire que, plutôt que par style, si jamais tu écoutes toutes ses compositions dans l'ordre, donc des plus anciennes aux plus récentes, tu te rends compte qu'il a évolué dans le temps, mais qu'à un moment T, il avait toujours le même style. Donc, quand il y avait deux séries qui étaient développées en parallèle, tu retrouves des points communs. Si tu écoutes, par exemple, la BO de Dragon Ball qu'il a fait après Goldorak, oui, tu es obligé de... Il y a des morceaux, ça te fait forcément écho. Mais je risque de peut-être te dire une erreur, mais au Japon, il est considéré comme le Morricone japonais un peu, non ? Tu ne dis pas du tout n'importe quoi, d'accord. C'est exactement ça. Donc, très peu connu dans nos contrées européennes. Par contre, c'est une méga star au Japon. Ouais, au point même qu'il soit invité dans les talk shows. Il fait toujours des concerts, ce monsieur ? Il monte toujours sur scène. Alors là, en ce moment, à la seconde, je ne sais pas, mais la dernière fois que je l'ai vu sur scène, par YouTube interposé, entendons-nous bien, hein, oui, c'était l'année dernière. Donc oui, c'est quelqu'un qui continue. Alors, 84, 85 c'est, ans, c'est non ? Ça, en fait, il est de 1931. Ah oui, d'accord, bah respect. Hein. Et au-delà des mangas, tu pourrais nous dire des films emblématiques ou sur d'autres compositions sur lesquelles il a travaillé ? Bah, sur des séries très très connues, en fait, il a bossé notamment sur les Kamen Rider, en fait, qui sont des... alors, c'est pas vraiment un Sentai, parce que c'est un héros solitaire, donc je crois que c'est plus à ranger dans la catégorie des Metal Heroes, mais en fait, il a... je sais plus combien il y a de saisons, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine, un truc comme ça, et si je dis pas de bêtises, il a fait la musique des 10 saisons, pour ne parler que de ça, mais il a travaillé sur tellement de trucs, il a bossé sur Tiger Mask, sur les Gamera, il a bossé sur Gator Robot, par exemple, c'était en 74, si je dis pas de bêtises. Des trucs qui sont arrivés jusque chez nous, il a bossé pour la Tulipe Noire. De toute manière. Autour du monde à 80 jours, on oublie souvent de le dire, mais c'est lui qui est à l'origine des musiques. En général, en Europe, pour les gens qui connaissent au minimum son nom, ce qui est vraiment retenu de son œuvre, bah, c'est nous, parce qu'on est un peu plus vieux, le Goldorak, mais les un peu plus jeunes, c'est vraiment la série des Dragon Ball, hein, quand même. Hein. Et Dragon Ball Z, du coup, qui fait suite derrière, parce qu'il a fait la musique des deux. Je le précise, parce que sur la toute fin, du coup, depuis, il a été remplacé sur les remakes, certainement à cause du travail qui a été fait par les Américains. Enfin, pour nous, Français, j'ai même envie de dire Européens, parce que C'est des séries qui ont énormément marché dans d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Espagne ou l'Italie. C'est des musiques qui sont emblématiques et qui sont ultra connues. Oui, parce que nous, on pense tout de suite à des Ariane et tout, mais ce n'est pas du tout la composition originale du monsieur. Non. Alors, pour en revenir un peu donc, à l'OST pure de japonaise de Goldorak, ce qu'on a décidé de faire, TMDJC et moi, c'est parler un peu des ambiances. Parce que je trouve que Kikuchi s'est parfaitement posé une ambiance sur une situation. Par exemple, on va avoir des situations de stress, des situations de joie, de tristesse, et à tel point que je me demande même si le monsieur composait pas en ayant vu des scènes. Parce que ça colle un peu comme on avait évoqué à l'époque sur Ulysse 31, qui sont des musiques très ambiancées. Mmh. Et ben là, je trouve que c'est encore plus flagrant parce que, en préparant l'émission, je me suis réécouté évidemment l'OST de Goldorak, et à chaque titre que j'écoutais, et ben je me replaçais tout de suite dans le contexte. Et ça, je trouve que c'est extrêmement indissociable même du dessin animé. Je partage complètement ton avis. Il y a vraiment. Alors, ce que je vais dire va cruellement manquer d'objectivité parce que voilà, c'est vraiment juste un point de vue. Hein. Mais je trouve que le travail qu'il a fait autour de Goldorak, il est pour moi en fait au sommet de ce qu'il est capable de faire. Il y a d'autres séries comme ça où je retrouve des morceaux que je trouve très très sympas. Et par exemple, j'adore la BO de Dragon Ball. J'ai beaucoup aimé la BO d'Albator. Mais je trouve que tous les morceaux que l'on trouve dans Goldorak ont quelque chose de particulier. Alors, de ce que j'en sais, je ne crois pas qu'il ait bossé en visualisant les images parce qu'il me semble que c'était une commande. Et donc, en fait, les morceaux étaient faits en parallèle à la production du dessin animé. Encore plus grand donc, respect alors, pour voilà, le monsieur. Il me semble pas. Donc voilà, maintenant, on n'était pas avec eux quand ils ont enregistré. Donc, tout ça est sujet à caution. Mais de ce que j'en sais, il me semble que c'est comme ça que ça a été fait. Il y a des morceaux et on va avoir l'occasion de les écouter. Mais et comme tu le dis, tu as les images dans la tête, en fait. Alors évidemment, nous, on a découvert ça quand on était petits. Certainement que ce sont des morceaux qui nous ont marqués particulièrement et que la jeune génération doit dire la même chose avec les Dragon Ball, par exemple. Mais je trouve que l'OST de Goldorak, elle est vraiment au-dessus des autres. Mais tu sais, enfin, on parle de ça, mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans Ulysse 31 et plus récemment dans le podcast sur Capitaine Flamme qu'on a fait, au même titre que ces deux séries, bah, c'est des musiques qui sont complètement associés au dessin animé, à tel point que c'est simple, moi, de mes trois, on va dire, musiques de dessin animé de quand j'étais enfant, c'est mes préférés, ces trois-là, avec Goldorak. Ah, rajoute-moi Donc, les Cités d'Or et je t'épouse. Oui, je le dis. En plus, la chanson est culte, mais bon, c'est encore un autre débat, donc on fera un numéro spécial Cité d'Or, avec grand plaisir. Mais, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un titre, et puis on en discute un petit peu après. Allez, c'est parti. Quand j'écoute ce titre, je me dis il y a quelque chose de grave qui se passe ou qui risque de se passer ou qui est sur le point de se passer. Je ne sais pas si ça te fait un peu la même chose quand tu écoutes ce titre. Complètement. C'est, alors pour moi, je l'ai, mais en plus, tu viens de le dire, c'est deux ambiances différentes en une pour moi. Tu as l'avant Goldorak, c'est-à-dire quand tu as l'armée de Vega qui est en train de préparer quelque chose de grave, que tu vois les navettes éventuellement arriver. Donc, on est déjà dans une action, entre guillemets, il se passe déjà quelque chose. C'est le calme avant la tempête. C'est ça, c'est le calme avant la tempête, exactement. Actarus n'est pas encore transformé, voilà, il n'est pas encore dans son robot. Et puis tu as cette même ambiance à certains moments où Actarus est en danger. Il est déjà dans Goldorak, il est déjà en train de se passer quelque chose, mais voilà, il va y avoir une panne, il n'aura plus d'énergie, on lui met dans une position qui est compliquée. J'adore. C'est ça. Et concernant ton premier choix, donc je vais essayer de le dire, je suis désolé, c'est en japonais, c'est Enbantukai Shigugeki. Ah, tu l'as très bien dit. Qui, selon toi, évoque quoi ? Alors, ce morceau, il est pour moi, il est ultra puissant. C'est même, ça fait partie des morceaux pour moi qui me touchent le plus. Alors, c'est vraiment un morceau. Là aussi, on est dans un morceau de stress, mais dans un morceau qui est de l'ordre de la tragédie. Tu imagines, en fait. Oui, on est dans une tragédie grecque, Ah, là. mais c'est exactement ça, en fait. Tout à T'as fait, ouais. le prince de fort qui, d'un côté, tient dans les bras quelqu'un qui est éventuellement en train de mourir, quelqu'un qui est à côté qui lui dit mais si tu pars, voilà, ce sera plus possible entre nous, tout ce que tu veux derrière. Et de l'autre côté, t'as l'armée de Vega qui est en train de débarquer sur Terre. Et en gros, c'est où il va sauver la Terre, où il va sauver ses amis. De toute façon, c'est un choix cornélien. Être ou ne pas Voilà, c'est être. exactement ça. C'est impossible de faire un choix. Et le pauvre Actarus est entre les deux et il se dit, mais bon, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pense qu'il est pas bien à ce moment-là, quand même. Ça va pas. Il doit pas être bien dans sa tête. C'est vrai que là, tu vois, on évoque deux, trois titres et tout de suite, ça te pose le décor. Enfin, encore une fois, je suis peut-être un petit peu en joie de faire ce numéro, mais force est de dire que rien qu'à la première écoute, si tu connais un tout petit peu le dessin animé, bah, tu te replonges immédiatement. Et moi, tu vois, par exemple, tout de suite, si je te dis une attaque de Vega, eh bah, je te propose ça. Bah là, tu vois tout de suite, là, c'est rassemblement. On est à la limite de la marche Ah militaire, ouais, carrément, sans ouais. que ça soit évidemment désagréable à l'oreille. Et là, tu penses tout de suite aux forces de Vega, qui sont quand même, dans le dessin animé, la plus puissante force de l'univers, hein, qui a écrasé tous leurs opposants. Et là, qui se rassemblent pour envahir la Terre, C'est face aux robots, tu vois. exactement ça. Ouais, je ressens exactement la même chose. Et ce morceau, je trouve, est d'une grande puissance parce qu'il arrive à communiquer l'espèce de, comment dire, de présence, cette puissante armée arrive à dégager. Ben c'est là-dessus que je pense que Kikuchi est vraiment, vraiment très doué. C'est qu'en fait, il produit des thèmes qui vont régulièrement faire référence à d'autres thèmes au sein de la série, tout en posant une base thématique qui soit unique. C'est-à-dire que tu ne te perds pas dans tes émotions. tu sais exactement où tu es. Et tu l'as dit juste avant, Mika, tu dis, ouais, on sent bien l'armée qui est là, on sent toute la puissance, toute la grandeur, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça pour moi. Quand tu entends ce morceau, tu les vois toutes, en fait. Il y a les petites navettes, l'énorme navette, les Golgoths qui sont là. C'est ça, et, c'est ça. Tu sens que la flotte aérienne se met en place, là, tu vois. Tu parles de sentiments, tout ça, mais un titre que tu as sélectionné, que j'avais également mis dans ma besace, c'est le songe de, on va dire, d'Actarus. On s'en écoute un petit morceau, on en rediscute juste après. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce petit air de guitare qui est, quand tu regardes bêtement, c'est un mec qui joue sur sa guitare sèche, tout bêtement. Ah ouais, alors ce morceau, tu l'as, il est nuancé à plein de moments dans la série. Alors moi, j'ai choisi effectivement de le présenter nu, c'est-à-dire vraiment où tu n'as que la guitare à ce moment-là. Et effectivement, c'est les moments où tu as Actarus qui est dans sa tête, qui est dans son cœur, qui est en résonance avec ce qu'il a vécu, parce que bon, c'est quand même un être traumatisé. Il a perdu au début de la série toute sa famille, pour lui. Sa planète. Sa planète. Il était prince, il n'est plus rien. Il se sent inutile. Et voilà, il y a tout ce côté-là. Puis la résonance avec le fait que maintenant, il a pris en charge la défense de la planète bleue, et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce morceau. Tu sens en fait le côté nostalgique, mais pour moi autant, c'est plus la mélancolie que j'en retiens de ce titre, parce qu'il est vraiment quelques notes, hein. Enfin, moi je suis pas du tout musicien, mais il y a pas non plus 40 milliards de notes différentes, et je trouve que la mélancolie et la tristesse du bonhomme qui s'en dégage est puissante par ce titre. Après, évidemment, qu'on parle, on est influencé parce qu'on a vu le dessin animé, etc. Mais c'est sûr. Bon, quand tu le prends à l'oreille comme ça, il est très propre. Peut-être que l'émotion n'en serait pas la même. Mais comme ça, quand tu m'as proposé le titre, je pense tout de suite à un Actarus assis sous son arbre qui regarde la lune rouge et qui joue son petit air de mélancolie. Puis il y a Vénusia qui font pour lui. Ouais, il y a vraiment de ça. Mais ce que j'aime en plus dans ce morceau, c'est qu'il sombre jamais dans le larmoyant, en fait. Il est effectivement, ce que tu viens de dire, il est mélancolique. Bah d'ailleurs, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, mais il y a des variantes de ce morceau où carrément, il a l'impression qu'il violente un petit peu sa guitare. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. J'ai la guitare qui met des gens... c'est cassé. Enfin, voilà. Enfin, moi, donc, évidemment, on parlait un petit peu d'Alcor tout à l'heure, qui, bon, pour les fans, malheureusement, est devenu, dans cette série, le faire-valoir d'Actarus, parce qu'à la base, faut savoir que c'est le grand héros des deux grandes séries Mazinger et Mazinger Z. Voilà. Donc, Mazinger Z et Gret Mazinger, pour être exact. Pardon. Sous le nom de Koji Kabuto. Exactement. Donc, chez nous, on va dire que c'est Alcor, mais pour les vrais, ouais, c'est ouais, Koji. Moi, mais je l'appelle Alcor parce que j'ai toujours connu Alcor. En fait, je suis assez schizophrène sur ce personnage parce que dès que je regarde Mazinger, je l'appelle le Koji parce que c'est Koji. Mais c'est pareil, hein, parce que en fait, sur les versions françaises de Mazinger, il s'appelle Koji, il s'est jamais appelé Alcor. Je peux comprendre le désamour, hein, pour les Japonais pour, on va dire, cette troisième série. Mais avec sa petite navette sous coupe, l'Oveter, hein, souvenez-vous, que j'ai toujours trouvé plutôt pas terrible comme navette. Alors ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu sais qu'il a tout fait tout seul, Ouais, tu dis ouais, quand même respect. Bon, j'ai des doutes sur la couleur, mais respect. Quand tu connais après coup le background du bonhomme, tu dis quand même, le mec, il a bien été rétrogradé. Il passe de général des Voilà. armées à sergent seconde classe. Ouais, qui arrête pas de se prendre des baffes parce qu'il agit à tort et à travers. Oui, ah oui, en plus, il le corrige et tout. Enfin, bref. Donc, je vous ai sélectionné le titre qui accompagne Alcor à chaque sortie d'Ovetaire, qui est, selon moi, est très, très, très puissant. Et ben moi, tu sais quoi, je trouve que ce qui me plaît bien, ben c'est le côté un peu trompette et un petit peu disco de ce titre. T'entends la basse ou les grattes qui font waouh, waouh, waouh. Enfin, je sais pas comment ça doit se nommer. Il y a Ah bah c'est la probablement un guitare terme. Nora, tout simplement. Et ben voilà, le waouh de la guitare qui sonne extrêmement disco, mais pas un disco kitsch, tu vois. Enfin, un disco qui vieillit pas bien. Ouais, funky. Voilà, un disco funky, voilà. En tout cas, ce morceau, je le trouve vraiment génial. Effectivement, le rythme, le côté. En fait, il y a vraiment un côté chafouin, en fait, je trouve, au Oui, oui, personnage. oui. Bah ça colle bien au personnage en Et plus, ouais, comme tu dis. exactement. Tu sens qu'il a un côté rusé, malin. Et quand il s'écoute vraiment, en fait, quand il est en accord avec lui-même, Alcor, c'est vraiment un personnage génial. Le gros problème d'Alcor, en fait, c'est quand il se laisse déborder par sa colère, par son impatience. Mais quand il est en accord avec lui-même, il fait des trucs extraordinaires. Donc là, on va passer un petit peu du côté obscur de la force parce que je sens que tu souhaiterais nous parler un tout petit peu d'un directeur scientifique. Alors, le morceau que j'ai choisi qui s'intitule Horos, le directeur scientifique, en fait, le morceau en lui-même ne touche pas Koro, mais je propose qu'on l'écoute et qu'on en parle après. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau? En fait, on l'entend à plusieurs reprises, effectivement, dans la série, et à chaque fois, c'est pour présenter le côté jusqu'au boutisme, en fait, des personnages de Vega. Parce que, entendons-nous bien, si Vega avait été intelligent dans cette histoire, Actarus, il serait mort 45 fois. C'est ça. Ils passent leur temps en fait à se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Ah oui et non, c'est parce qu'ils ont un but très égoïste au final. Tu Tout vois, à fait. ils ont pas l'esprit de groupe, ils ont l'esprit de domination. C'est un peu aussi pour cela qu'ils ont dominé tout l'univers. Mais évidemment, ils sont pas du tout coopératifs entre eux. Et après, le lien avec Horos, il est où du coup? Alors le lien avec Horus, c'est parce qu'en fait il y a plein de moments en fait dans la série, enfin plein, tout est relatif parce qu'il y a tellement de morceaux dans l'OST que c'est vrai qu'il y avait des morceaux récurrents, mais heureusement il y en avait plein qu'on entendait de manière vraiment épisodique, j'ai envie de dire. C'est un morceau qui lui a souvent été collé parce qu'il lui aussi en fait il a été jusqu'au bout, notamment dans un épisode où on a le droit de spoiler ou pas pour les, parce qu'il y a peut-être Il y a prescription, 40 il y a prescription ans, je crois quand même, ouais, donc l'épisode où Horus justement, c'est pareil, il est jusqu'au bout du truc. En fait, le type, il a tout perdu. Il a perdu son fils, il a tout laissé dans la bagarre. Mais ce qu'il veut, malgré tout, en fait, c'est récupérer la fille de Vega et tuer Actarus alors qu'il est vraiment à la limite de la mort. Et donc, tu as ce morceau là encore derrière. Voilà, il est jusqu'au bout de son idée. Le mec, il réfléchit pas. C'est ça, tout à fait. Alors là, on va rentrer vraiment, là on parle un peu de bagarre, tout ça. Là, bah, carrément, là je vais vous proposer le titre qui sort systématiquement quand il y a une confrontation entre Goldorak et un Golgoth ou un Enterrak. On s'en écoute un morceau, évidemment, on en rediscute après. Goldorak versus le robot Rune One. C'est exactement ça. Mais ce morceau, il est une puissance. C'est très très con. Hein. Mais moi, tu me fais écouter ce morceau, j'ai des frissons quoi. Absolument. Là, tu sens qu'il y a. On va dire les quelques microsecondes avant le combat, on va dire final. C'est ça. Et puis ça sort cette chanson, tu vois, les quelques secondes avant le début du combat, vraiment à la mort. Hein, c'est des gladiateurs dans Goldorak. Hein, tu sais, on en parle que. Mais c'est une très belle image que tu nous livres là, parce que je trouve que c'est ça. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est peut-être dans ma sélection du jour, c'est peut-être un des morceaux les plus, en tout cas, puissants. Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, c'est une émotion qui peut naviguer d'une génération à l'autre. Là, j'avoue que j'ai de gros doutes là-dessus, parce que certainement que mes grands-parents ont dû me parler avec émotion de choses qu'ils avaient vécues quand ils étaient plus jeunes, où ils me faisaient écouter des trucs. Je disais, oui, bon, bah voilà, c'est des vieux trucs, quoi. Et certainement qu'aujourd'hui, ces morceaux-là, ils doivent paraître vieux auprès d'oreilles qui n'ont pas connu ces morceaux-là dans le contexte. Absolument. Mais c'est parce qu'il y a le contexte. Je trouvais, en fait, Goldorak, il a vraiment un graphisme, je trouve, vraiment particulier. Il y avait une ambiance particulière. Le doublage français était juste excellent. Et ces musiques japonaises qui venaient donc se greffer par-dessus, qu'ils ont eu l'intelligence de garder, je trouve. Et là, tu vois, si on avait Wiz en émission, il te dirait, en plus, elles empiètent pas. Enfin, les voix françaises ou les musiques rajoutées en français, comme on a pu l'entendre sur Capitaine Flamme, n'empiètent pas sur le dessin merci. Animé. Enfin, sur le, c'est les voix. C'est exactement ce que j'allais et dire. Ça, vraiment, merci. Et c'est pour ça qu'on se souvient bien des musiques, parce que on en avait déjà parlé sur Flamme, mais quand Flamme il dit quelle heure il est, pouf, t'as la musique qui décolle. Il y a un moment que c'était pénible, alors que là c'est pas du tout le cas, c'est complètement respectueux de ce qu'a, en tout cas ce que le Japon avait produit à la base, et ça c'est vraiment remarquable. Alors puisqu'on parle de musique, et juste avant de sauter à la prochaine, juste une petite remarque par rapport à ce que tu dis qui est pour le coup très intéressant. Il y a dans la version japonaise vraiment d'origine, il y avait à certains moments des morceaux qui étaient chanté. Et c'est vrai que dans la toute première partie du doublage en français, ils ont fait le choix à chaque fois de remplacer ça par le générique chanté, même quand c'était pas celui-ci qui était choisi par les Japonais. Ce qui fait qu'au début de la première saison, très souvent, on entend le « Accours vers nous, prince de l'espace ». Et c'est vrai qu'ils ont fait le choix par la suite d'arrêter, et je trouve que c'était vraiment pour le mieux. Et là, on va vraiment dans ce que tu dis, c'est-à-dire que on avait beaucoup plus souvent en fait l'OST que ces musiques chantées justement. D'accord, donc l'un dans l'autre, ça restait plutôt convenable. Tout à fait, mais très très convenable. D'ailleurs, la version française est vraiment géniale. Et voilà, là on est toujours dans le même thème. En fait, on est plus encore dans l'action dans celui-ci. En fait, c'est-à-dire que là, de toute manière, c'est le même titre parce que pour ça, on l'a pas dit, mais l'OST en fait, il y a beaucoup de titres, mais souvent dans un titre, tu vas avoir 3 ou 4 déclinaisons ou de variantes du même titre. Pour être plus précis, je ne sais pas si je parlerais de variantes, parce que Shunsuke, en fait, il a une façon de traiter sa musique qui va être que il va faire des rappels plutôt que de faire. Tu as des variations de thème, hein, c'est vrai. Il y a des moments où tu vas voir le thème quand c'est gay, le thème quand c'est triste. Il a. Mais il y a certains moments en fait où il va te faire un morceau. Et il va te faire un rappel, et on aura l'occasion de revenir sur un autre morceau tout à l'heure, il va te faire un rappel ou du thème principal ou du thème de l'action, ou pour te rappeler en fait qu'on est dans une... Enfin, qu'on parle de tel ou tel personnage, ouais. Qu'on parle de tel ou tel environnement, c'est-à-dire une là par rapport à la bagarre, hein. Exactement, une situation, mais même un lieu. Des fois, il va faire référence à des lieux. Lui, on lui dit, voilà, ça se passe dans l'espace ou ça se passe sur Terre. Il ne va pas forcément faire le même type de musique, par exemple. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son travail. Mais tu reconnais en fait la thématique. C'est ça que je trouve excellent, c'est que même si le morceau peut être différent, tu reconnais la thématique. Tu vois, là pour le coup, on a mis ça dans la rubrique bagarre pour faire simple, mais ça reste la même thématique. Tout à fait. Alors toujours, pour rester dans une thématique particulière, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, on a évoqué la mélancolie de par la guitare sèche d'Actarus, mais il y a une thématique qu'on n'a pas encore abordée, et j'ai nommé ça tout simplement la tristesse. On s'écoute un titre et on en discute après. On sort tout de suite les violons. Hein. Là, c'est le larmoyant. On parle de la petite fille qui a perdu ses parents dans une avalanche qu'un Golgoth a provoqué. Et la petite fille, elle a perdu ses parents. Et là, tu vois, c'est tout à fait le genre de musique qui sort. Mais malgré tout, dans cette musique, tu as une petite lueur d'espoir. Bah là, c'est souvent matérialisé par une fleur qui pousse au milieu de nulle part dans la neige ou des trucs comme ça. Bon, c'est un peu larmoyant, je vais pas vous mentir. Là, on y est, c'est vrai. Mais eh ben, moi, ça me touche encore aujourd'hui. Tu vois, c'est, je suis absolument sensible à cette musique. Après, ça me replonge évidemment dans le dessin animé. Mais au-delà de ça, si je la joue objectif et que j'écoute vraiment la musique en me disant, tiens, si j'écoutais ça sans connaître à quoi elle appartient, je me dis, elle est quand même mais extrêmement triste, cette musique. Tu sens la tristesse du titre. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même ce côté gay, malgré tout, qui, c'est lueur d'espoir qui est pas loin. Moi, je vois Phénicia quand elle est en train de parler avec Alcor et qu'elle est en train d'exprimer le fait que voilà, elle a peu de souvenirs de quand elle était petite, qu'elle a perdu toute sa famille, etc. Et puis Alcor qui lui dit, ouais, mais tu nous as trouvé nous, t'as retrouvé ton frère. Oui, et donc il y a toujours une note d'espoir au final. Exactement, ouais. Alors là, donc, tu vas nous proposer un titre qui, je pense, est vraiment intrinsèquement lié à Goldorak et à son pilote Actarus. On s'écoute le morceau. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Seb ? Ouais, alors là, c'est pareil. On est revenu dans la catégorie... on aurait très bien pu le laisser, d'ailleurs, dans la catégorie bagarre. Hein. Ça, moi, j'adore celle-ci, hein, pourquoi, je le confesse. Hein. Moi aussi. Je la surkiffe et je vais expliquer pourquoi. Mm. Ce morceau-là, effectivement, qui est vraiment un thème d'action, qui est vraiment un thème atypique, parce que c'est un thème qu'on entend... Enfin, la thématique de base, on ne l'entend que dans ce morceau-là. Mais malgré tout, en fait, quand pendant l'action, il y a une espèce de temps mort, en fait, dans le morceau. Mm. Et on entend à nouveau le tintin. Et t'as vraiment, voilà, t'es toujours avec Actarus, t'es toujours avec son Goldorak, etc. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est en pleine action, tu sais que c'est pas facile pour lui, mais tu sais qu'il va gagner. C'est entre guillemets le héros parfait, quoi. Il est faillible, mais il gagnera quand même à la fin. C'est sur ces titres-là qu'il va sortir, on va dire, ses armes de seconde catégorie, ouais. Style les corneaux fulgures, les machins, enfin, ses armes un petit peu secondaires, voilà, c'est le terme que je cherchais. Avant de sortir l'artillerie roule lourde, et donc c'est sur ce morceau-là qu'à chaque fois Goldorak est accompagné. Ouais, c'est ça, il fait ses tests en fait sur le robot qui est en face et il voit si ça fonctionne ou pas et d'un épisode à l'autre. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai été bercé dans Goldorak, c'est que tu voyais que ça évoluait quand même. Chaque épisode, limite, il a la goutte au front et tout, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis quand on était petit, bien évidemment, on disait, mais pourquoi il sort pas l'atterrage direct? Eh ben parce que l'épisode il durait 5 minutes, tu vois. Oui, c'est. Un jour il faudra qu'effectivement qu'on parle des travers du scénario de Goldorak, parce qu'il y aurait malheureusement beaucoup de choses à dire. Oui. On parlera pas d'animation parce que nous on avait des yeux ouverts en HD, c'était magnifique. Ça, c'est ça. Alors pour conclure sur ces musiques japonaises, évidemment, on vous invite à réécouter. Je crois que même qu'il est édité en CD. Je sais, tiens, si tu peux nous en parler rapidement. Oui, tout à fait. On le trouve assez facilement aujourd'hui. produit en CD jusque chez nous. Et ce qui est chose rare, on peut le commander via Amazon. Donc, le CD, vous le trouverez à pas trop cher si jamais vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Enfin, voilà. Donc, évidemment, on vous invite à aller sur les sites pour jeter un coup d'œil parce que, honnêtement, on a fait un choix qui était très, très, très difficile parce que bah, y a rien à jeter, tout simplement. Pour clôturer quand même sur cette rubrique OST japonaise, quoi de plus évident de finir cette partie sur la fameuse fin heureuse, dont on va s'écouter évidemment un morceau. Alors là, évidemment, coucher de soleil, le Goldorak qui est en ombre chinoise parce que la situation est heureuse, petite lumière orange. Tu sais que quand tu as cette musique, l'épisode est sur le point de se finir et surtout que tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire. Goldorak, c'était vraiment une série qui était vraiment géniale aussi pour ça parce que tu vois, des fois, il y avait certaines ambiances que j'aimais pas, comme beaucoup d'enfants, par exemple l'ambiance du dimanche soir, ouais. quand tu sais que le lendemain tu vas devoir retourner à l'école ou etc. On en parle régulièrement de ça. D'ailleurs. Voilà, on a tous ce syndrome. Quand arrivait la fin de Cat Size, par exemple, sur Amuse 3, ça m'embêtait vraiment parce que je savais que l'école arrivait. Mais Goldorak, ça fait partie des séries qui, pour moi, qui me touchaient tellement que même quand l'épisode touchait à sa fin, même quand tu avais effectivement ce morceau, même quand tu avais le coucher de soleil, jusqu'à la dernière seconde, j'étais dedans. Mon cerveau passait en mode négatif ou un truc comme ça. Voilà, et je trouve ça génial. Ah ouais, pareil. De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre notre terre, de justice et d'amour. Chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Alors là, donc évidemment, vous l'avez entendu, on passe au générique français. Sachez que en tout et pour tout, il y a au moins, au minimum, 8 génériques, dirons-nous, reconnus. En vrai, 8 génériques officiels, voilà. Officiels, voilà. En vrai, voilà. Il y en a même plutôt une bonne dizaine, peut-être. Ouais, c'est sans compter tous les trucs qui ont été présentés sur des CD, voilà. Ou sur des vinyles à l'époque ou sur des cassettes. Là, on parle vraiment des génériques qui ont accompagné les épisodes de Goldorak. Donc, moi, à court vers nous, évidemment, c'est la version française du générique original de Kikuchi, qui est chantée par Enrique Faure et qui est écrite par Pierre Delanoé. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup cette musique parce que, tout simplement, parce qu'elle est le col à la musique originale. Après, il y a la fameuse histoire « Va combattre ton ennemi » qui, évidemment, a peut-être fait lever Famille de France ou les trucs comme ça parce qu'il y a un côté ultra militaire où là, il faut aller vraiment se bagarrer et supprimer les méchants, etc. À tel point que cette chanson a été utilisée en tout et pour tout 2 mois. Bah exactement. En fait, elle a été diffusée lors de la toute première diffusion de Goldorak. On est en 1978 en France et Goldorak est arrivé au mois de juillet. En fait, juillet-août, le générique et ensuite ils l'ont dégagé au profit d'un autre. Car jugé évidemment trop violente. Il faut savoir que dans Goldorak, la plupart du temps, tu avais le générique d'ouverture et évidemment un générique de fin. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est le titre qui s'appelle « Va combattre ton ennemi ». Combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Donc voilà, c'était Va combattre ton ennemi. Alors juste une petite remarque par rapport à ça, les génériques qui ont été faits en France et qui effectivement collent de très près aux génériques japonais, c'est pas vraiment un hasard en fait, c'est que les Japonais avaient imposé à l'époque. C'est vrai que ça m'a un peu étonné, bon à l'époque on se posait pas de questions, mais la plupart du temps les génériques quand ils arrivaient chez nous, ils étaient complètement réorchestrés ou avoir des musiques totalement différentes. Alors moi je vais te faire une confidence, À court vers nous, donc l'ouverture, ça reste mon générique préféré de Goldorak. Mais vraiment. Hein. Qu'un générique, en fait, on a très très peu connu, nous, parce qu'on était très jeunes. Enfin, moi, en 78, j'étais minou. C'est bizarre, quoi. Enfin, je suis comme minou, toi, mais c'est celle qui m'a marqué. Pourquoi, je ne sais pas. Et certainement parce que tu l'entendais pendant les épisodes, parce que c'est la seule chanson, du coup, qui a été gardée comme le doublage avait été fait. Et donc, on l'entendait durant les épisodes, en tout cas sur le premier quart de la première saison. Mais je reconnais que je suis un des rares, hein, parce que... là, on va évidemment, on vous met le générique qui suit et on en discute évidemment tout de suite après. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Jusqu'à Jupiter, qui est-il, d'où vient-il, ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. MDJC, Goldorak le Grand. Je pense que de l'univers des génériques français de Goldorak, c'est la plus connue. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bon, alors déjà, le morceau est interprété par Noam, qui a interprété quand même pas mal de morceaux de génériques qu'on avait, nous, à l'époque. Hein. C'est vraiment une voix qu'on connaissait, un visage qu'on connaissait également, parce qu'il était quand même passé pas mal de fois chez Dorothée, que ce soit dans Récréa 2 ou dans le Club Dorothée. Oui, c'est certainement le morceau qu'on connaît le plus. Moi, c'est le morceau dont je me souviens comme être le premier générique de Goldorak, parce que c'est comme ça que j'ai découvert Goldorak. Je ne pourrais pas dire si j'ai vu Goldorak lors de sa toute première diffusion, parce que en 78, à cette époque-là, je devais avoir 2 ans. Donc, je ne sais pas si mes parents ont accepté que je puisse regarder Goldorak en l'état. Tu m'étonnes. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais je l'ai regardé très tôt, c'est-à-dire que je l'ai regardé dès sa 2e diffusion, donc j'avais 3 ans à l'époque. je rigole parce que il y a pas longtemps, j'en discutais avec mes parents et ils me disaient « Non, mais de toute façon, à 3 ans, bien sûr que tu ne regardais pas Goldorak, c'était impossible, etc. » Or, non seulement je me souviens très bien que je regardais Goldorak à l'époque, mais en plus, mon père m'enregistrait des cassettes, audio que j'ai toujours. Merci, papa. Donc oui, il y a des preuves matérielles. Les parents étaient inconscients à l'époque. Et oui, je me souviens mais du générique de Noam. Il était complètement en décalage avec ce qu'on allait avoir. En fait, il a rien à voir avec l'ambiance de Goldorak. Et pourtant, elle est plus disco, la chanson, parce que ouais, c'était le côté militaire qui faisait peur aux gens. Elle tu était vois. Ultra calme en plus. Mm. Et tu connais un petit peu l'historique de cette chanson? Ah, vas-y, fais-moi plaisir. Alors, il faut savoir que c'est une chanson qui est écrite par Pascal Auriat. C'est en toute simplicité le compositeur de Il venait d'avoir 18 ans pour Dalida. Un détail. Et les paroles sont de notre héros justicier masqué qui s'est fait virer de Question pour un champion. Donc je suis Julien Lepers. Julien Lepers. Et l'histoire de Noam, elle est très marrante, même si elle est très connue aujourd'hui. Donc c'est un jeune chanteur israélien qui fut pris sous l'aile de Mike Brandt. Et la chanson fut enregistrée de toute urgence en une nuit, alors que Noam était grippé. Et la petite histoire dira que ça deviendra un tube, puisque le 45 tours s'écoulera à plus de 4 millions d'exemplaires. Et là, je crois qu'il y a plein d'artistes français qui rêveraient aujourd'hui de faire des chansons pareilles. Alors ça mériterait d'être creusé, mais je crois qu'en plus, il parlait pas un mot français, donc il chante complètement en yaourt. Mais malheureusement, nos auditeurs me corrigeront si je me trompe. Alors, si je dis pas de bêtises, il parlait français, mais très mal. Donc, dans tous les cas de figure, yaourt, on prend. Donc là, on a le générique qu'on vient d'entendre de La Légende d'Actarus. Moi, je m'en souviens bien parce que c'est en gros une nouvelle version de Accours vers nous qui est interprétée par Jean-Pierre Savelli du groupe Les Goldies. Et l'auteur, c'est Pierre Delanoë, évidemment toujours sur une musique de Kikuchi. Est-ce que tu sais pourquoi on retrouve à nouveau la musique de Goldorak originale? Aucune idée, non. Et tout simplement pour des raisons de droit à nouveau, c'est parce que les Japonais, en fait, ont entendu l'ampleur tout doucement que prenait Goldorak en France. Alors, ont entendu, c'est vrai et pas tout à fait vrai, parce que la légende voudrait que ça a été jusqu'à leurs oreilles. En fait, c'est surtout parce que quand les Français sont venus chercher d'autres produits, qui se sont dit, tiens, c'est marrant quand même, pourquoi ils nous achètent plein de trucs tout d'un coup, ils ont quand même jeté un œil. Et là, ils ont vu en fait que Goldorak était diffusé avec un autre générique que celui qu'ils avaient imposé, qui était donc le générique d'origine. Donc ils ont dit, non, ce serait bien que vous remettiez le générique d'origine. Et comme ils ne voulaient pas repartir sur le générique qui avait fait polémique, ils ont réenregistré un générique. D'accord, ok. Toujours du même groupe, on a le Prince de l'Espace, qui est une petite variante de la musique. Du générique de fin. Voilà. C'est à nouveau le générique de fin. Alors là, cher poditeur, on a déjà évoqué ce titre, je le confesse, donc on va parler de Goldorak et l'aventure continue. On s'écoute évidemment le générique et après je pense que TMDJC et moi on a des choses à raconter. Si par l'amour de l'humanité, qu'il va de tout Alors là, générique utilisé, on en a déjà parlé, chanté par Lionel Leroy, composé encore une fois par Chouki Lévy. Je le confesse, on avait fait un numéro sur Lionel Leroy et à l'époque, j'avais dit que j'aimais pas ce morceau. Je m'étais fait un petit peu houspiller à l'époque, peut-être même par toi, Seb. C'est tout à fait possible. Et je le confesse aujourd'hui, eh ben, j'ai appris à aimer ce morceau parce que la voix de Leroy, je vous renvoie sur notre podcast, est tellement entraînante que tu peux pas trouver le morceau mauvais. Je te laisse nous en parler. Alors déjà, oui, moi aussi, je vous renvoie à ce podcast que j'ai trouvé fort sympathique pour ma part. Et Lionel Leroy, c'est vraiment un des artistes français de l'époque que j'apprécie, qui a bercé notre enfance sous plein d'aspects. Alors, pourquoi ce titre ? Pourquoi il me touche ? Alors déjà, petit 1, il y avait... Là, cette fois, il n'y a aucune raison légale de changement Nico Hawkes. À l'époque de la rediffusion de Goldorak, en fait, ils avaient le choix de faire un nouveau générique, tout simplement pour relancer le truc. On dit bon allez, on modernise un petit peu le truc, et en fait Lévy nous pond à nouveau une musique comme il sait les faire, vraiment entraînante. Ce générique, en fait, c'est pareil, quand je l'écoute, ça fait partie des génériques qui me font des frissons. Alors c'est jeudi confession dans la catégorie je m'affiche, tant pis, ça, c'est une anecdote qui va me coller à la peau. Quand ma fille a découvert Goldorak, la première fois qu'elle a dû chanter ce générique, elle devait avoir 3 ans, 4 ans peut-être, et elle était en train de, pareil, dans du yaourt, essayer de reproduire les paroles qu'elle entendait. Et je vous avoue que j'ai versé une larme, ça m'a fait quelque chose. Oh, c'est mignon. De voir ma fille chanter ce morceau qui est pour moi mon générique préféré de Goldorak. D'accord, et quid du générique de fin, tu t'en souviens? Ah ouais, la justice de Goldorak. Tu veux qu'on l'écoute d'abord? Allez. La justice de Goldorak, c'est pareil. Moi, c'est marrant. Je m'en souviens parce que je l'ai découvert il y a quelques temps, mais de l'époque, je m'en souviens pas du tout, par contre, bizarrement. En fait, moi, la justice de Goldorak, pour moi, il a l'odeur du mercredi après-midi. Parce que le dessin animé, il était diffusé à ce moment-là. Récréa 2, là, ou pas là, je crois qu'on... Ou déjà Dorothée. Il me semble qu'on est déjà dans Club Dorothée, si je dis pas de bêtises. Du coup, quand le générique se terminait, qu'on passait à autre chose, c'était le mercredi. Ça sent le disque vinyle sur ce morceau, quand même. Hein. Enfin, voilà. Donc là, on parle évidemment de Club Dorothée. Là, on y est complètement. Et on se met ça. Goldorak, go ! Alors là, Bernard Minet, peut-être c'est la seconde chanson la plus connue de Goldorak. Mais moi, je vais vous faire une confession par rapport à ce morceau. Quand j'étais plus jeune, que ce morceau est arrivé, j'avais déjà un certain âge. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais plus un petit garçon comme je pouvais l'être. Et j'étais toujours un amoureux de Goldorak. Et aimer les musclés, ou etc., c'était ringard. Absolument. Que Bernard Minet, il ne fallait pas le dire. Voilà. Et donc, en général, dès qu'il faisait un truc, de toute façon, je n'aimais pas, que ce soit le générique de Juliette, je t'aime, ou etc. Je me moquais des trucs. Et en fait, ce générique arrive, c'est Goldorak. Déjà, je suis super content que Goldorak soit de retour à la télé. Donc, discrètement, je regarde les épisodes parce que, voilà, bon, je ne vais pas trop en parler à l'extérieur. Voilà. Pas trop s'afficher. Non, Goldorak ne connaît pas. Voilà. Et le générique, je le trouve génial. Et là, je me dis, ah mince, j'ai un générique de Bernard Minet que j'aime bien. Et là, c'était vraiment pour moi le moment de la honte. Je ne parlais absolument pas de ça. Alors, confession pour confession, c'est pas un morceau que j'affectionne, mais alors, pour une raison que je ne m'explique pas, je le connais par cœur. Bah, faut dire que les paroles sont faciles. Hein. C'est peut-être ça. Bah ouais, il y a deux couplets vite fait qui sont répétés en boucle. Ouais, alors, d'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, il faut savoir que le titre a été composé par François Pori, qui est plus connu sous le nom de Jean-Luc Azoulay, donc de le A de AB Productions, et qui est composé par Gérard Salès, duo qui sont derrière tous les succès de Dorothée, comme la Menteuse, Monsieur l'Ordinateur, ou Les Petits Ewoks, ou encore Rock même Sirouki. Rock Sirouki. Qu'est-ce que j'ai ouais. Pour en revenir au morceau, tu vois, ça fait partie du top 3-4 de Minet que j'aime bien, tu vois, avec les biomans et trucs comme ça. Donc je le confesse, Goldorago, j'ai une petite affection. Alors là, on a fait le tour de tout ce qui pouvait exister, on va dire, en générique français. Mais ce que l'on sait moins, tu l'as rapidement évoqué, c'est qu'il y a eu, à ma connaissance, au moins... déjà, il faut savoir que Goldorak, ça a cartonné en Europe, hein, dans les pays du Maghreb et encore plus en Italie. C'est au même titre que nous, c'est cultissime. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a eu des génériques, dirons-nous... officiels sans lettres, c'est-à-dire qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre du dessin animé pur, de générique. On a par exemple Goldorak et l'enfant, qui est toujours chanté par le groupe Goldie. Et Goldorak, oui, c'est son nom. Donc on vous invite à les écouter. Toute honnêteté, ce n'est pas des bons titres. Moi, je ne les aime pas du tout. C'est même mauvais, on peut le dire. Là, tu sens que c'est les cassettes à pas cher. Et il y en a un qui est sorti en fait sur un vinyle où tu avais au dos une histoire qui est pourtant doublée par les acteurs d'origine, qui est pas terrible non plus. Si jamais vous êtes fan de drama, je vous invite plutôt à vous diriger vers les 33 tours, où effectivement il y a des histoires qui sont réinterprétées effectivement par les doubleurs, qui vraiment, d'ailleurs il faut que j'arrête de dire doubleurs parce que ça les agace quand oui, on dit absolument, ça. Donc, les comédiens d'origine et vraiment là c'est autre chose. Et puis Goldorak, oui c'est son nom, en fait était sorti sur une cassette ou un maxi 45 tours où tu avais 6 génériques chantés par Bernard Minet, donc Goldorak Go et 5 autres morceaux, et les 5 autres morceaux, oui c'est son nom, c'est lui, sont super pourris. Ouais, ah tout oui, à oui fait. On peut le dire, ils sont oubliables. Bah encore une fois, donc on a fait le tour évidemment non exhaustif parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter. Déjà je pense qu'on a fait un peu plus long que d'habitude. TMDJC, encore une fois, mille merci d'avoir souhaité participer à l'émission, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir un peu moins isolé quand on parle de notre passion pour le héros cornu. Écoute, merci à toi. De toute façon, j'aurais écouté l'émission avec plaisir, mais je suis très content d'avoir pu partager cette passion. Et donc, petite surprise, on parlait un peu des versions étrangères, on parlait des versions italiennes où c'est culte. Il faut savoir qu'au Maghreb, il y a un chanteur du nom de Sammy Clark, qui est cultissime là-bas, qui évidemment a chanté sur la musique de Kikuchi, Grindizer, parce que là-bas il est nommé Grindizer. Et donc pour clôturer cette émission, je vous propose d'écouter la version du Maghreb en live avec des cuivres qui est absolument hallucinant. Je vous dis à très vite et encore une fois merci à toi Seb d'être venu. Ciao, ciao. Merci à toi, gros gros bisous tout le monde. Hey, sir, how come? Grande Sœur.